Chapitre 24e. Madame de Lucilière avait raisonné juste en pensant que le meilleur auxiliaire qu'elle put trouver, pour empêcher ou tout au moins pour entraver le mariage du colonel et de Carmelita, était le baron Lazarus. Dans la déception d'espérance longuement caressée, celui-ci devait puiser un désir de vengeance qui pouvait rendre d'utiles services. Et c'était cette considération qu'il avait décidé à rechercher le concours du baron, faisant taire en elle le désir de vengeance qui l'animait contre celui-ci. Le plus urgent était d'agir en ce moment contre le prince Mazzazzoli, et pour cela elle rechercherait l'alliance du baron Lazarus. Plus tard, le prince repoussé et battu, elle se tournerait contre l'allié qui l'aurait aidé à remporter cette victoire. Et après sa rivale italienne, viendrait le tour de sa rivale allemande. Car son but n'était nullement d'empêcher le mariage de Carmelita pour favoriser ensuite celui d'Ida. Ni l'une ni l'autre ne devait être la femme du colonel. Contre toutes deux, elle avait les mêmes motifs de haine, et toutes deux devaient payer la guerre qu'elle lui avait faite, l'une par son oncle, l'autre par son père. En empêchant ces mariages, Madame de Lucilière n'avait pas la prétention de ramener le colonel à elle pour reprendre leur liaison au point où elle avait été interrompue et la continuer. Ce qui était fini était pour elle bien fini, sans retour possible. Malgré les lettres écrites sous les yeux du prince Mazzazzoli, elle avait éprouvé pour le colonel Chamberlain une véritable tendresse, et réellement, elle l'avait aimé, au moins comme elle savait, comme elle pouvait aimer. Si difficile que la conciliation de ces lettres et de cet amour puisse être aux yeux de certaines personnes, il n'en est pas moins vrai qu'elle s'était faite pour Madame de Lucilière, qui écrivait ses lettres sans aucun scrupule, qui cependant aimait sincèrement son Huron. Seulement, elle ne l'aimait point exclusivement, encore moins l'aimait-elle fidèlement. L'amour ainsi compris peut paraître bizarre, invraisemblable, incompréhensible, monstrueux. Cependant, peut-être, Madame de Lucilière n'a-t-elle pas été la seule femme en ce monde qui n'ait pas rigoureusement pratiqué la doctrine de la fidélité. En tout cas, elle était ainsi, et c'est un devoir pour le roman de tout peindre, ce qui est particulier aussi bien que ce qui est général. S'il n'y avait eu qu'une marquise de Lucilière à Paris de 1867 à 1870, c'est la nôtre, et nous la montrons telle qu'elle était. Bien qu'elle eût aimé le colonel, bien qu'elle l'aimât encore, elle ne voulait point écarter Carmelita ou Ida pour prendre leur place. Le lien qui les attachait l'un à l'autre était brisé, et rien ne pourrait le rattacher. Jamais sa fierté n'eût supporté les soupçons d'un amant qui pouvait à juste droit se montrer jaloux. Elle voulait pouvoir porter la tête haute, et cela n'eût pas été possible devant des yeux qui auraient lu les empreintes du buvard. Car elle ne se faisait aucune illusion sur les explications qu'elle avait données à propos de ce buvard. Ces explications pouvaient jeter un certain trouble dans l'esprit du colonel, l'incertitude et le doute, elle ne pouvait pas lui apporter une certitude absolue. Or, elle ne pouvait être aimée que par un homme qui aurait en elle une foi entière, ou bien leur liaison devenait une vie de querelle et de lutte, qui précisément lui faisait horreur. Mieux eût valu se retirer du monde qu'accepter cette vie, et se résigner à n'être jamais aimée. Ce n'était donc point pour elle qu'elle voulait arracher le colonel à Carmelita et à Ida, c'était pour une autre, et cette autre, c'était Thérèse. Pour bien des raisons, ce mariage lui plaisait. D'abord, il avait quelque chose d'extraordinaire qui amusait son esprit. Une fille du faubourg Saint-Antoine, femme du riche colonel Chamberlain, cela était drôle, original et romanesque. Et puis, cette jeune fille ne serait pas aux yeux du monde une rivale comme Carmelita ou comme Ida. On ne dirait pas « Le colonel Chamberlain a quitté Madame de Lucilière pour épouser la belle Carmelita ». On dirait « Le colonel Chamberlain, quitté par Madame de Lucilière, a épousé une petite cousine pauvre que son père lui avait demandé de prendre pour femme. » Enfin, à ces considérations s'en joignait une dernière, prise à une meilleure source. Thérèse lui avait plu, elle avait éprouvé pour cette petite fille une réelle sympathie, elle voulait faire son bonheur. Évidemment, cette petite aimait son cousin, et toute question de fortune à part, elle devait rêver ce mariage sans oser l'espérer. Il est toujours agréable de jouer le rôle d'une bonne fée, et Madame de Lucilière voulait se donner cette satisfaction. D'un côté, elle ferait le bien, de l'autre, elle ferait le mal. Pour elle, ce serait un bonheur complet si elle réussissait. Mais réussirait-elle? Et le baron Lazarus remplirait-il bien dans cette pièce le rôle qu'elle lui avait confié? la perspective de donner à sa fille le mari enlevé à Carmelita le pousserait-elle définitivement dans la mêlée? Le dépit de voir ses espérances sur le point d'être déçu le déciderait-il à agir? Elle le croyait, mais sans avoir une certitude à cet égard. S'il avait mieux connu le baron, et surtout s'il avait pu savoir quels étaient ses vrais sentiments envers le prince Mazzazzoli, elle se fût rassurée sur le concours que son allié lui apporterait. À côté du désir de voir le colonel Chamberlain devenir son gendre, et à côté de la colère qu'il ressentait en apprenant le mariage prochain de celui-ci avec Carmelita, le baron avait encore contre le prince Mazzazzoli un terrible motif de ressentiment. Ce motif avait pris naissance le jour où le baron avait été informé du départ du prince et de Carmelita, où il avait vu que ce départ coïncidait avec celui du colonel. Ces deux départs, à un court intervalle l'un de l'autre, n'étaient assurément pas l'effet du simple hasard. Le prince, avec Carmelita, allait rejoindre le colonel, tandis que lui, baron Lazarus, restait à Paris, dupé. Or, il y avait une chose que le baron ne pouvait pas accepter, et qui le poussait jusqu'à l'exaspération, c'était de reconnaître qu'on l'avait pris pour dupe. Et c'était précisément ce qu'avait fait le prince, qui l'avait trompé, indignement trompé, et qui de plus s'était moqué de lui. N'était-ce pas une raillerie, en effet, que ce mot dit par le prince? Quand on veut amener une rupture entre un amant et une maîtresse qui est mariée, ce n'est pas prouver au mari qu'on le trompe, qu'il faut, c'est le prouver à l'amant. Et c'était ainsi qu'avait agi le prince. Comment? Par quels moyens? Le baron ne le savait pas, mais il n'en était pas moins convaincu que c'était le prince qui avait amené une rupture entre la marquise et le colonel, et qui, sachant à l'avance le jour où éclaterait cette rupture, avait fait suivre le colonel, avait connu ainsi l'endroit où il se retirait, et l'avait été rejoindre. De là, ce mariage. Mais il n'était pas encore fait, et le prince avait été vraiment bien imprudent de revenir si vite à Paris. Les moyens qu'il emploierait pour rompre ce mariage qu'on lui annonçait comme arrêté, le baron Lazarus ne les voyait pas en sortant de la loge de Madame de Lucilière. Mais il ne s'en inquiéta pas autrement, espérant bien trouver quelque chose avec la réflexion. En effet, il n'était pas l'homme de l'improvisation, et il ne se lançait jamais dans une affaire avant d'en avoir examiné le fort et le faible. Il redescendit donc à sa place, et ceux qui le virent, assis dans son fauteuil, écoutaient la musique de Robert, ne se doutèrent pas des idées qui roulaient dans sa tête. Un mélomane, rami dans une douce béatitude, rien de plus. Voyez donc le baron Lazarus. Je croyais qu'il espérait faire épouser la blonde Ida par le colonel Chamberlain. S'il en était ainsi, il faut convenir que ce projet ne lui était pas bien cher, car il paraît tout à fait indifférent à l'annonce du mariage du colonel et de la belle Carmelita. Évidemment, il ne pense qu'à la musique. À ce moment, le baron, comme s'il voulut confirmer ses paroles, se pencha vers son voisin. Robert, éperdu, venait de lancer son cri désespéré. « Si je pouvais prier !» Tief eingreifen der Musik, dit le baron. Profonde, en effet, répliqua le voisin. Admirable. Et le baron sortit l'un des derniers, souriant à tous et donnant de cordiales poignées de main à ses amis. J'aurais cru que le mariage du colonel Chamberlain affecterait davantage le baron, disait ceci. Jamais homme n'avait paru moins affligé que ce bon baron. Il s'en alla à pied, le long des boulevards, les mains derrière le dos, donnant un coup de tête affectueux à ceux qui le saluaient. Arrivé à la rue Scribe, il quitta le boulevard, et tournant à droite, il entra dans une boutique qui, bien que fermée par des volets, était pleine de monde. Cette boutique était un café américain, un bar, autrement dit, The Cosmopolitan. Devant un grand comptoir en acajou et en marbre, des gentlemen à la mine sérieuse étaient assis sur de hauts tabourets et buvaient gravement des boissons étrangères avec des herbes, des fruits et de la glace. On demandait du sherry cocktail, du gin cocktail, du champagne cocktail. D'autres, debout devant un grand fromage de Chester, piquaient dans la masse de la pointe de leur couteau et détachaient des petits morceaux qu'ils mangeaient avec des alberts et des biscuits. Il y avait là une société fort mêlée, des membres du jockey en toilette de soirée, habits noirs et cravate blanche, des bookmakers qui engageaient des paris devant le portrait de Stockwell, le célèbre italo-anglais, des Anglais, des Américains, surtout des Américains. Le baron jeta un coup d'œil circulaire dans la salle, comme s'il cherchait quelqu'un, et devant le comptoir, il aperçut Gaston de Pompéran. Leurs regards se croisèrent. « Vous ici, mon cher baron ?» dit Gaston. que diable vous amène en cette taverne ? Je venais voir si je ne trouverais pas notre ami le colonel. J'ai appris son mariage tout à l'heure à l'opéra, et je voulais être un des premiers à le féliciter, vraiment. Cela vous surprend que j'aie choisi un pareil lieu ? Mais je sais que quelquefois le colonel passait ici le soir, avant de rentrer chez lui, et je me disais que je le trouverais peut-être aujourd'hui. Vous ne l'avez pas vu ? Pas encore, mais je le verrai demain. Moi aussi, assurément. Mais si vous le voyez avant moi, dites-lui bien que vous m'avez rencontré ici, où je ne venais que pour lui. Et, en attendant que je puisse le complimenter moi-même, félicite-le en mon nom. Il a fait un excellent choix. Par sa beauté, Mademoiselle Carmélita était la femme que la Providence lui destinait, positivement. Et tout en se faisant servir quelques douzaines d'huîtres anglaises, qu'il avala rapidement, il continua ses compliments. Positivement, il était enchanté. Puis il s'en alla, comme il était venu, les mains derrière le dos, souriant de son bon sourire. « Est-ce que vraiment ce vieux loup-cervier est enchanté ?» demanda quelqu'un à Gaston. « Dame, il le dit. » « Et pourquoi le dirait-il, si ce n'était pas réellement ?»« Je ne vois pas quel intérêt il aurait à cela. » »« Je ne le vois pas non plus. Seulement, je l'ai rencontré plusieurs fois dans les affaires et toutes les fois qu'il montrait ce sourire bienveillant, il nous en a coûté cher. » Ce désir exprimé par le baron de féliciter le colonel à l'occasion de son mariage n'était pas une simple phrase de politesse dite pour être répétée. Le lendemain, en effet, de bonne heure, le baron se présenta à l'hôtel Chamberlain, et comme on ne voulait pas le recevoir, il força la porte pour arriver jusqu'à son ami, son cher ami, le colonel Chamberlain, qu'il tenait à féliciter à l'occasion de son prochain mariage avec la belle Carmélita. « Enchanté, positivement enchanté. Vous êtes, vous et elle, chacun de votre côté, deux puissances, deux forces de la nature, vous par la fortune, elle par la beauté. Vous devez donc vous allier un jour, c'était écrit. » Et laissez-moi vous dire, cher ami, que vous accomplissez un devoir social. » Puis il développa longuement ce compliment philosophique, avec des considérations un peu obscures peut-être, mais en tout cas très profondes. Quelle femme était plus digne de la fortune que Carmélita ? Il n'en voyait pas. On pouvait dire qu'elle était née pour les diamants et les pierreries, et c'était un bonheur, un vrai bonheur, une harmonie de la nature, que son mariage les lui donna. Car dans un autre mariage, cette loi d'harmonie eût été violée. Il se fut trouvé des contresens entre la femme et la position. C'était pour briller, pour éblouir, que la Providence l'avait créée, et si elle n'avait point été sur un piédestal, elle eût été déclassée. De là une vie malheureuse pour elle aussi bien que pour son mari, car elle n'eût pas pu donner à celui-ci les joies de la famille, du ménage, du pot-au-feu. Le colonel écoutait ses félicitations avec ennui, car après la nuit qu'il venait de passer, il n'était pas disposé à la patience. Mais le baron était un homme qui ne se laissait pas démonter quand il avait enfourché un dada. Il tenait à prouver que Carmélita n'était qu'une belle statue, bonne à parer de bijoux et de pierreries, qui donnerait à son mari toutes les satisfactions de la vie mondaine, sans rien autre chose, et il poursuivait sa démonstration assez habilement, sans rien dire de blessant, au moins d'une façon directe. Mais il n'était pas venu seulement pour féliciter le colonel à propos de son mariage. Il voulait encore le prier à dîner pour le lundi suivant. Il s'agissait de fêter son propre anniversaire, et la fête ne serait pas réussie si le colonel, si ce brave colonel, si ce cher ami ne l'honorait pas de sa présence. Il était venu pour la fille, ne viendrait-il pas pour le père ? Et puis, au moment de ce mariage, il fallait resserrer leur relation, afin qu'elle se continuasse après d'une façon suivie et intime. Il ne serait pas mauvais pour Carmélita de voir souvent Ida, qui serait quelquefois de bon conseil, et qui en tout cas, par sa simplicité, serait de bon exemple. Si le baron était un homme qu'il fallait écouter quand même, c'était aussi un homme qu'on ne pouvait pas refuser. Le colonel Du de Guerlas acceptait cette invitation à dîner. Et le baron s'en alla, satisfait, continuer ses félicitations auprès du prince Mazzazzoli. En agissant ainsi, il n'avait pas de but déterminé et ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Mais il cherchait ce qui était quelque chose. Il chassait, il quêtait. Ce n'était pas en restant tranquillement chez lui qu'il trouverait une bonne piste. Tandis qu'en vivant dans l'intimité du colonel et du prince, il pouvait espérer une bonne chance. Bien entendu, il ne voyait pas laquelle, mais enfin, il en espérait une quelconque. Le mariage ne devait pas se faire avant 3 semaines, et en 3 semaines, il peut arriver bien des choses. En regardant, en écoutant, en apostant des gens habiles dans l'art de regarder ou d'écouter, il devait bien, pendant ces 3 semaines, découvrir un indice sur lequel il pourrait bâtir son plan d'attaque. Si le prince possédait une grande finesse, Carmélita était assez naïve, la comtesse n'était pas très forte, et le colonel était assez ouvert pour ne rien cacher. La première chose à faire, c'était d'être près d'eux, prêt à profiter des occasions qui se présentaient ou qu'on provoquerait si elle tardait trop à naître spontanément. Bientôt, le baron arriva aux Champs-Élysées, mais avant de monter à l'appartement du prince, il voulut demander quelques renseignements au concierge. On apprend beaucoup à causer avec les uns et les autres, les petits aussi bien que les grands. Malheureusement, le concierge n'était pas disposé à la conversation. C'était un personnage digne qui ne se familiariserait pas avec le premier venu. Le baron n'en put rien tirer, si ce n'est que le prince était sorti avec la comtesse, que la vieille Marietta était dehors et que Mademoiselle Belmonte était seule. Ce n'était pas pour contrarier le baron. Carmélita seule, il la ferait plus facilement parler et peut-être pourrait-il tirer quelque chose de sa naïveté. En arrivant à la porte de l'appartement, le baron la trouva entrebâillée. Surpris, il s'arrêta un moment, se demandant ce que cela signifiait. Comme il se posait cette question, il entendit un bruit de voix dans l'intérieur de l'appartement, arrivant jusqu'au palier par les portes restées ouvertes. Une de ces voix était celle de Carmélita qu'il reconnut facilement. L'autre était une voix d'homme qu'il ne se souvenait pas d'avoir entendue. On parlait sous le ton de la colère et de la dispute. « Je vous dis que j'empêcherai bien ce mariage !» criait la voix d'homme avec fureur. « Vous ne ferez pas cela !» répliquait Carmélita avec moins d'emportement. « Je le ferai si vous ne le faites pas vous-même. Je vous en donne ma parole. Réfléchissez à ce que je vous dis. Vous êtes prévenu. Adieu !» Et le baron entendit un bruit de pas se dirigeant vers la porte. Pour ne pas être surpris devant cette porte, écoutant, le baron monta rapidement quelques marches de l'escalier comme s'il se rendait à un étage supérieur. Presque aussitôt, un homme tira la porte de l'appartement du prince et la referma derrière lui avec fracas. Le baron s'était à demi retourné. Mais il ne connaissait pas celui qui venait de tirer cette porte. C'était un homme de 45 ans environ, à barbe noire très épaisse lui couvrant le visage, ne laissant voir qu'un nez proéminent et deux yeux ardents. Il était vêtu simplement, mais convenablement. Vivement, il descendit l'escalier. Le baron le descendit derrière lui pour demander au concierge quel était cet homme. Mais en chemin, la réflexion lui vint que le concierge ne connaissait peut-être pas cet homme, ou que le connaissant, il ne voudrait peut-être pas plus parler maintenant qu'il ne l'avait voulu quelques instants auparavant. Il renonça donc à l'interroger et se mit à suivre cet inconnu. Marchant derrière lui, il l'étudiait, et il était à peu près certain de ne pas le perdre dans la foule. Il avait vu sa tête, il le voyait de dos, il notait sa démarche, il le reconnaîtrait sans confusion possible. Marchant tout d'abord avec cette rapidité fiévreuse qui résulte de la colère, il avait peu à peu ralenti le pas, et par les Champs-Élysées, il se dirigeait vers l'intérieur de Paris, sans se retourner et sans se douter assurément qu'il était suivi. Il prit la rue Royale, le boulevard de la Madeleine, la rue Neuve-Saint-Augustin sans que le baron le perdît de vue. Arrivé devant une maison de cette rue, dont la porte et l'entrée étaient couvertes d'écussons et d'enseignes de commerçants, il entra dans cette maison. Le baron arriva une minute après lui, et ayant regardé les écussons, se dirigea vers la loge du concierge. « Est-ce que ce n'est pas M. Durand que je viens de voir rentrer ?» dit-il poliment en ôtant son chapeau. Il venait de prendre ce nom de Durand sur un écusson. « Non, monsieur, répondit le concierge, c'est M. Lorenzo Beillot. « Ah, pardon, je me suis trompé. » Et sans en attendre davantage, sans demander si M. Durand était ou n'était pas chez lui, le baron se retira. Il en savait assez. Ainsi, l'homme qui pouvait empêcher le mariage du colonel était Lorenzo Beillot, le maître de chant de Carmélita, dont il avait souvent entendu parler. Cela suffisait pour ce jour-là. Plus tard, on verrait comment tirer parti de ce renseignement, et aussi comment utiliser ce nouvel allié.